Mais moi, là, comme ça, à chaud, je vois les deux choses stratégiques sur lesquelles on veut avancer aujourd'hui. C'est un, le passage à l'échelle de la formation, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait plus de formations qui soient faites parce qu'on a plein, plein de gens sur liste d'attente. Mais pendant très longtemps, en fait, on ne voulait pas massifier la formation tant qu'on n'avait pas à la fois la garantie de pouvoir bien former les gens et en même temps de pouvoir bien les accompagner une fois formés. Parce qu'on voulait éviter l'écueil de la fraise du climat où ils ont 30 000 personnes formées mais qui n'animent pas. Bah, c'est du temps gâché pour les gens qui ont passé tout ce temps à former les gens. Et le deuxième axe stratégique, c'est bah, justement encore mieux accompagner notre communauté pour créer encore plus de liens, pour augmenter l'impact de l'atelier et finalement faire en sorte qu'on ait une communauté qui bah, soit de plus en plus active et qui se transforme de plus en plus. Parce que moi, c'est un peu mon intuition, c'est l'objectif, tout cet écosystème des fresques, c'est finalement c'est de faire des accélératrices et des accélérateurs de la transition. Et qu'après, on aurait comme des espèces de parcours de formation pour augmenter leur pouvoir d'agir. Et en fait, on rentrerait par n'importe quelle expérience. Et à la fin, on serait genre avec les aspects savoir, savoir-être et savoir-faire. Donc, à la fois, on va dire connaissances scientifiques, mais aussi savoir-être en termes de posture dont on parlait tout à l'heure. Puisque finalement, ces postures qu'on peut cultiver dans le cadre d'un atelier, ils vont nous servir dans la vie de tous les jours pour embarquer massivement. Ouais, merci Benoît pour toutes tes réponses. On continue, allez, je vous donne tout de suite la parole et on maintient la dynamique. Donc, tu as le temps de remplir cette gourde, peut-être un moment qui va terminer par être bien vide. On Allez. vous écoute. Qui veut se lancer? Vous avez déjà J'ai une des question, questions? je suis resté sur ma fin, sur les critères d'un bon récit. Tu as cité d'évaluation d'un bon récit. Tu as cité l'optimisme actif, cultiver ceux qui cultivent un optimisme actif, mais tu n'es pas allé plus loin, tu as switché sur autre chose. J'aimerais bien savoir quels sont les autres critères. Alors, donc là, globalement, on va dire, on a des critères de fond et des critères de forme. Dans les critères de fond, finalement, on invite l'anime à se poser ces trois questions-là, parce que l'idée aussi, c'est qu'ils ne nous remontent pas tous les récits qu'ils créent dans leurs ateliers, parce qu'en fait, on ne va pas avoir la capacité de tout trier. Donc finalement, on a envie que les animes fassent un premier filtre, pour pas ajouter à l'infobésité, pour faire écho à une carte de la fraise aussi. La première question qu'ils doivent se poser pour savoir si justement ça cultive ce fameux optimisme actif chez ceux qui produisent et chez ceux qui écoutent ce récit, c'est un, est-ce que ce récit permet de montrer que nous avons tous du pouvoir d'agir? Donc vraiment, donc là on met tout un sous-texte en dessous. C'est notamment là l'objectif, c'est de s'assurer que les personnes ne se sont pas enfuies dans leur récit. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'anime ne leur rappelle pas régulièrement que c'est eux qui doivent être les actrices et les acteurs, donc ils doivent être au début. Il y a toujours un risque qui s'échappe, mais jusqu'à la dernière étape. Parce que c'est, voilà, on est conditionné à croire qu'on est impuissant, etc., etc. C'est même Noam Chomsky qui disait la propagande, c'est faire croire aux gens qui sont isolés et impuissants. Mais on voit qu'aujourd'hui, c'est quand même massif le fait de se sentir impuissant. Le deuxième, c'est est-ce que ce récit permet de montrer qu'un futur désirable et soutenable est possible? Donc ça, c'est vraiment contribuer à l'émergence de l'économie du donut, en suscitant du désir pour cette dernière. Et le troisième, qui est plutôt un critère où il faut dire non, il faut répondre par la négative, alors que les deux premiers, il fallait répondre par la positive, c'est est-ce que ce récit entretient la croyance dans le solutionnisme technologique, entre parenthèses, et la technologie va nous sauver, ce qui cultive au contraire une attitude d'optimisme passif qui freine la transition. Donc ça, on va dire que c'est les trois critères de fond. Pour nous, c'est hyper important quand on diffuse ça dans l'espace public. Voilà, d'avoir ça. Ça va, ils sont clairs pour vous les trois critères? Et donc après, on a des critères de. Donc aussi, si on s'est quand même dit, là, on a mis un warning, vous pouvez les créer dans vos récits, mais par contre, on ne les diffusera pas. C'est les récits qui font pas la part belle aux violences physiques contre les personnes. Exemple, assassinat du PDG d'une entreprise pétrolière, Poutine qui se suicide, etc. Ne pourront pas les diffuser. C'est-à-dire qu'on n'interdit pas, on censure personne, mais c'est juste que pour des questions, pour un certain nombre de questions, enfin de raisons. Voilà. C'est la limite qu'on s'est fixée, ces violences contre les personnes. Et après, on a des critères de forme. Donc là, la question qui résume les sous-points, là tout à l'heure c'était optimisme actif, là c'est est-ce que le récit créé est suffisamment cohérent, dynamique et crédible pour être plaisant à entendre par le plus grand nombre? Et pas uniquement par ses auteurices. Parce que, en fait, ce qu'on constate, c'est que ça parle toujours à ceux qui ont créé le récit. Mais là, nous, l'objectif, c'est d'aller dans l'espace public. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que ça parle plus largement. Et donc là, nous, en général, durée du récit, quand on est sur un récit audio, donc quand on les fait en présentiel, nous, on les enregistre, c'est 3 à 5 minutes. Quand on est sur un récit écrit, c'est 400 à 800 mots. Après, on dit, bien sûr, si vous avez un groupe hyper expérimenté qui a l'habitude d'écrire, ça peut dépasser, ce sera quand même hyper agréable à entendre. Mais dans la majeure partie des cas, on est sur des personnes qui n'ont pas l'habitude d'écrire. Et du coup, si on va trop loin, on change d'exercice et du coup, potentiellement, ça peut devenir un petit peu à la fois moins agréable à écouter dans le partage des récits qui termine l'atelier et qui est le sommet de l'atelier, et en même temps pour les gens qui liraient. Donc ça, c'était le premier critère, c'est la durée du récit. Le deuxième sous-critère, c'est la cohérence d'ensemble. Donc là, voilà, il y a pareil, il y a on explique qu'est-ce qu'on entend par cohérence d'ensemble. Typiquement, ça, c'était un autre livre que j'avais lu qui s'appelait La particule fondamentale de l'être. Et donc, c'est quelqu'un qui explique ce qui se passe dans le cerveau quand quelqu'un regarde une pièce de théâtre. Et en fait, il expliquait que si la pièce de théâtre est bonne, la personne va oublier qu'elle est en train de regarder une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'elle va tellement s'immerger dans le récit, et c'est là où tous ces mécanismes de défense vont se lever. Et donc, nous, l'objectif, c'est qu'est-ce qu'il pourrait faire ? C'est de gommer tout ce qui pourrait faire sortir les gens de l'écoute. Et donc, c'est pour ça que la bonne pratique qu'on a mis en place maintenant, on invite les animes, du coup, à suffisamment bien gérer leur timing pour qu'à la fin, ils laissent un temps de filage. C'est-à-dire que les participants vont un peu relire rapidement les transitions, etc., pour s'assurer qu'il n'y aurait pas des choses, des anachronismes, dès à un moment donné, le prénom change, le temps change, etc. Parce que ça peut faire complètement sortir les personnes. Là, on n'est plus dans le récit. Et puis aussi, quand même, un équilibre entre les périodes, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait une progressivité qui fasse que c'est crédible, en fait. Et le troisième, c'est le récit génère des émotions chez ceux qui l'écoutent. Parce que forcément, plus ça génère d'émotions, plus il y a un côté impact. Voilà. Merci beaucoup pour tout ça. Déjà, c'est très précieux. Tu as un peu parlé du fait que tu étais aux premières loges au niveau du signe faible, que tu constatais l'engouement en ces 4 dernières années. Bien sûr, c'est selon un prisme assez biaisé, puisque c'est quelque chose que tu pratiques et tu ne sauras pas forcément. Est-ce que tu as des éléments déjà qui te permettent d'objectifier un petit peu ce regard, ou est-ce que c'est juste parce que tu aimantes, enfin, qu'est-ce qui pourrait te permettre de savoir si oui ou non il y a une réelle augmentation de cette compréhension de ce qu'est un nouveau récit et des demandes d'ateliers, etc., qu'on en sent. Donc ça, c'est la première question. Est-ce que tu as des éléments tangibles qui te permettent d'aller au-delà de ton sentiment? Qu'est-ce qui potentiellement fait que quelqu'un, alors je sais pas si tu auras une réponse pour ça, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un aurait pu avoir une compréhension de ce que c'est les nouveaux récits? Qu'est-ce qui fait que ça résonne et qu'est-ce qui pourrait les emmener à avoir découvert ça? Et ça, c'est plus pour après, et je sais pas si on va le faire, mais ma question, c'est à ton avis, si jamais ce signal faible était largement diffusé, et qu'on avait cette culture de l'optimisme responsable, qu'est-ce qui changerait particulièrement selon toi en 2030 ou en 2040? Donc la première, c'était qu'est-ce qui me permet d'objectiver finalement mon sentiment qu'il y a un engouement. Alors je vais donner quelques petits exemples. Le premier, c'est donc moi je suis aussi coach à Avenir Climatique, qui a une asso de sensibilisation. En fait, qui veut mettre au premier plan les enjeux énergie-climat. Mais ce qui est très chouette à l'avenir climatique, c'est qu'on rentre par le prisme énergie-climat et en fait, on rentre dans tous les enjeux de la transition derrière. On n'est pas du tout que sur énergie-climat. À la base, on les appelait les bébés Janko, mais on voit que maintenant, c'est plus du tout que pour les ingénieurs et c'est ça qui est hyper chouette. Ils sont vachement sur l'inclusivité. Chaque année, ils essaient de voir comment être plus inclusif, etc. Et d'aller chercher vraiment des publics beaucoup plus différents que, on va dire, les publics classiques qu'on peut avoir sur les sujets écologiques. Donc ça, c'est que globalement, je crois que je connais l'avenir climatique depuis 4-5 ans. Et il y a 4-5 ans, le mot nouveau récit n'existait pas. Maintenant, dans le week-end 4, il y a tout un temps sur le week-end 3 et 4, il y a tout un temps sur le nouveau récit. Donc, il y a vraiment cette compréhension. Plus on creuse des sujets, plus on a l'impression que finalement, la racine de tous nos problèmes, c'est nos rapports au monde. Et pour changer nos rapports au monde, il faut changer l'histoire qu'on se raconte. Et donc, c'est un peu comme si quand on tire le fil, on arrivait toujours à cette conclusion, en fait. On est des êtres spirituels. On a besoin d'une révolution spirituelle au sens de ce qui nous met en mouvement, ce qui nous meut, etc. Et donc, à un moment donné, il faut changer ce qu'il y a dans nos têtes et donc nos imaginaires. Deuxième exemple, c'est je ne sais pas si vous connaissez les shifters, mais c'était le thème de leur dernier week-end à Nantes. Alors que pour le coup, les shifters, on est pareil, on est sur des personnes de très profil ingé, très. Très. Il faut. Enfin, quantitatif, etc. etc. Un troisième, peut-être, exemple, bah, c'est. Tu vois, par exemple, l'atelier que je faisais chez TF1. Donc, il y a un an, ils avaient déjà fait une conférence avec Imagine 2050. Et en fait, là, ils avaient une espèce de prise de conscience de. Mais oui, en fait, nous, en fait, on passe notre temps à raconter des histoires. Et c'est pas neutre de perpétuer les récits qui nous mènent droit dans le mur. Parce qu'ils perpétuent des normes sociales, des comportements, etc., etc. Et donc, ça, pour moi, c'est un truc assez systémique. C'est-à-dire que là, on est sur quelqu'un, un influenceur culturel énorme, qui prend conscience de l'importance et du caractère non neutre de perpétuer les récits qui nous mènent droit dans le mur. Et puis après, est-ce que j'ai d'autres exemples? En tout cas, j'ai animé un parcours. Donc, je suivais le premier intervenant, c'était Pablo Servigne. Le deuxième, c'était Cyril Dion. Et du coup, je commence toujours mon brise-glace par qu'est-ce qu'évoque pour vous les nouveaux récits en lien avec la thématique des fraises, qui est globalement d'accélérer la transition. C'est-à-dire que l'objectif commun à toutes les fraises, c'est d'accélérer la transition, je pense, si on devait chercher un dénominateur commun. Et je leur dis, et si ça évoque rien pour vous, c'est OK. Et là, j'en ai un grand nombre qui m'ont dit, j'entends parler tout le temps de nouveaux récits, mais je vois pas du tout à quoi ça se réfère. Donc, on était sur des publics quand même assez lointains, puisqu'ils avaient toujours pas d'idée de concrètement à quoi ça... Du coup, ça m'interpelle un peu quand même, parce que ces réunions étaient passées. Donc, visiblement, donc c'est ça qui était chouette, c'est qu'à la fin de notre atelier, ils ont dit, ah bah, merci beaucoup, parce que là, je vois très clairement ce que c'est. Donc ça, c'était assez chouette, mais du coup, soit ils ont raté l'intervention de Cyril Dion, soit peut-être qu'il n'a pas assez concrétisé ce que c'était. Mais voilà, donc pour moi, ça, c'est un certain nombre de petites choses. Là, à chaud, j'en ai pas d'autres, mais voilà, des petits exemples. Ta deuxième question, il y a plusieurs choses, mais là, par exemple, c'est en train de se massifier parce que toutes les personnes, surtout qui ont vécu une mauvaise stress des climats, en fait, ils veulent réouvrir le futur. Et donc, du coup, potentiellement, ils sont dans une espèce de besoin de nouveaux récits. Et donc, quand le mot arrive, ils étaient mûrs pour venir. Après, sans ça, donc ça c'est assez récent, mais à l'époque du festival, c'était il y a 3-4 ans, et là c'était souvent des personnes qui avaient creusé, qui s'étaient rendu compte qu'il n'allait pas suffire de remplacer toutes les voitures thermiques par des voitures électriques pour résoudre tous les problèmes sociaux et écologiques. Et du coup, en cheminant de lecture en lecture, ils étaient tombés par exemple sur Pablo Servigne. C'est-à-dire que Pablo Servigne, il dit clairement, là l'enjeu c'est de changer nos mythes collectifs, quoi. Ils étaient tombés sur Cyril Dion, il en met un paquet. Ils avaient lu Sapiens de Yuval Noah Harari et qui montre finalement le pouvoir des récits qu'on se raconte. Ils étaient tombés sur Rob Hopkins. Mais c'est vraiment à un moment donné une prise de conscience assez puissante et presque un besoin vital de réouvrir les futurs. Soit un besoin vital de réouvrir les futurs, soit un besoin vital de passer d'échelle en termes d'impact. C'est-à-dire une prise de conscience de bah, c'est super intéressant de contribuer au déploiement des renouvelables. Ouais, mais si en fait on continue d'être dans un modèle extractiviste, productiviste, etc., etc., ben en fait, ça ne fera pas l'affaire non plus. Moi, j'avais une question concernant des interventions en entreprise. Finalement, ce qui arrive à. J'imagine que c'est plus difficile d'avoir des retours de l'après sur les personnes qui viennent à titre individuel. Mais pour les entreprises, est-ce que tu sais si derrière ça a des. Répercussions sur, je sais pas, la façon de parler, je sais pas, une influence sur leur politique RSE, sur leur politique de développement. Laisse-moi rêver, je ne sais pas. voilà, du coup, est-ce que ça t'a des retours? Oui, alors bah, c'est un peu la même réponse que j'avais fait à Julien, c'est que pour l'instant, on ne prend pas de temps pour aller creuser ces questions-là. Par contre, ce que je peux quand même dire, c'est ben là, en fait, pour mettre à jour notre page entreprise, on a fait un peu le tour des personnes à qui on a fresqué en entreprise. Donc, on commence à avoir des verbatims et donc des verbatims qui montrent vraiment l'intérêt pour eux, pour leur métier. Là, par exemple, TF1, en fait, ils doivent se revoir post-fraise des nouveaux récits pour voir un peu comment finalement, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce qu'ils ont vu là, en fait. Typiquement, ce qui commence à émerger, c'est de se dire, en fait, il faudrait notamment les grandes idées de la partie 1, il faudrait que ce soit le référentiel commun à toutes les personnes qui travaillent chez TF1. Donc, je ne sais pas s'ils vont finalement aller là-dessus, mais parce qu'ils avaient fait un espèce de. Moi, une fois que j'avais clôturé l'atelier, ils commençaient à débriefer entre eux pour savoir finalement, parce que c'était une expérimentation, c'était de savoir, voilà, qu'est-ce que. Ça peut être quoi la suite. Donc, il y a ça. Et après, bah, en fait, moi, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un paquet de gens que je fresque et derrière, je vois les mots dans leurs posts sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, enfin, et du coup, ça, je voilà, pour moi, c'est aussi un autre impact. C'est-à-dire que, par exemple, Fabrice Bonifay, il l'a fait deux fois. Donc, je l'avais fait une fois chez Bouygues et là, il l'a refait en tant que président du conseil d'administration, puisque je l'avais fresqué tout le conseil d'administration du C3D. Et je vois vraiment que voilà, ça irrigue leurs paroles et donc bah, j'imagine leurs actions aussi, c'est-à-dire finalement leur manière d'embarquer les gens, voilà. Mais c'est pareil, hein, en termes de priorisation d'énergie, pour l'instant on n'a pas du tout. Moi, je sais que par exemple, Ticket for Change, ils ont mis un certain temps à faire leur première étude d'impact. Peut-être qu'on y viendra, mais pour l'instant, en termes de priorisation, on est vraiment plus sur se perfectionner, répondre aux demandes qui sont nombreuses et pas tellement à évaluer l'impact de ce qu'on fait. Mais comme on est dans cette idée quand même d'itération, d'amélioration, j'espère qu'on améliore quand même notre impact. Je me permets, en 30 secondes, Magali, excuse-moi, de rester sur ce sujet des entreprises qui, forcément, pour des organisations comme les nôtres, sont des sources de revenus. C'est des endroits où on peut faire des ateliers payants et en général, même payants de manière assez confortable. C'est la stratégie Robin des Bois, on la connaît tous. Est-ce que ce n'est pas aussi un lieu justement où ces nouveaux récits ils sont particulièrement nécessaires pour continuer à alimenter la machine à croissance, mais vers d'autres croissances, là où on nous a beaucoup vendu la décroissance? Ouais, bah carrément. En fait, et en même temps, pour moi, c'est ça qui est bien, c'est que les nouveaux récits, il faut qu'ils aillent partout. C'est-à-dire que là, justement, je discutais avec quelqu'un qui disait, mais en fait, je pense que la priorité, c'est les consommateurs, parce que les consommateurs, s'ils commencent à acheter différemment, on vendra différemment. Donc, je lui ai reparlé du triangle de l'inaction. Je dis, en fait, de toute façon, il faut faire partout. Parce que là, j'avais été à un événement sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération qui disait, le métier du 20e siècle, c'était le métier de consultant. C'était optimiser l'existant. Là, maintenant, le métier du 21e siècle, c'est le facilitateur, facilitatrice, c'est ceux qui vont mettre autour de la table toutes les parties prenantes pour faire bifurquer tout un secteur. Et donc, bah, moi, c'est mon rêve, et on l'a déjà fait une fois, mais il n'y avait pas toutes les parties prenantes, mais c'est de mettre toutes les parties prenantes d'un secteur, d'une région, etc., pour qu'ils imaginent leur nouveau récit ensemble. Et pour voir que finalement, il y a une compatibilité, et du coup, pour aider finalement à cette bifurcation. Et après, donc, sur la question de... typiquement, nous, on a développé une partie 2 que pour les entreprises. Et la grosse intention de cette partie 2, c'est d'accompagner le changement de paradigme du paradigme de l'entreprise profitable qui s'inscrit dans le paradigme de Milton Friedman qui a dit dans les années 70 au New York Times, la raison d'être d'une entreprise, c'est de faire du profit parce que si elle fait du profit, finalement, elle va créer de l'emploi, ça va ruisseler, etc., etc. Mais ça, on voit bien que ça a conduit à la grande accélération, franchissement de 6 des 9 frontières planétaires en quelques décennies, au passage du paradigme de l'entreprise contributive où la raison d'être d'une entreprise, ça doit d'abord et avant tout être est-ce qu'elle contribue à résoudre des enjeux écologiques et ou sociaux. Donc, à nous faire revenir dans les frontières planétaires et contribuer à ce que la société soit plus juste, donc permettre de répondre aux besoins fondamentaux des êtres humains. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce qu'effectivement, il y a cette idée que l'être humain n'aime pas l'incertitude. Et donc, ce n'est pas le tout de lui dire qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. S'il n'y a pas une alternative, nature ayant horreur du vide, les gens, ils ne bougeront pas. Et donc, l'idée, c'est de faire émerger ce... Et donc, un peu, c'est Schopenhauer, je crois qu'il disait, toute idée révolutionnaire, elle passe par 3 stades, ridicule, dangereux, évident. Bah, nous, finalement, c'est de contribuer à rendre évident ce nouvel imaginaire de l'entreprise contributive pour qu'elle devienne la nouvelle norme sociale, la nouvelle norme, au même titre qu'est devenue la nouvelle norme, le paradigme de Friedman, qui nous a conduit là où nous a conduit. Donc voilà, c'est pragmatiquement, en fait. C'est vraiment d'aller chercher l'entreprise sur le terrain pragmatique. Déjà, comme on peut commencer à en parler, mais moi, ma question, effectivement, c'était quels sont les métiers, en fait? Quels sont les métiers futurs liés à tous ces nouveaux récits, en fait? D'aujourd'hui ou futur? Alors, je ne me suis jamais posé cette question en ces termes. Je sais que Julien, il a écrit un livre sur les métiers du futur. Peut-être qu'il serait mieux placé. Mais c'est toutes les personnes qui animent les différents ateliers dont on a parlé. C'est-à-dire toutes ces personnes qui contribuent à ce changement d'imaginaire. Pour contribuer à ce qui passe de ridicule à évident. Pour moi, c'est un autre truc aussi. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment mis très, très vite aussi le faites attention au type de nouveaux récits qu'on crée dans nos ateliers. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent maintenir le statu quo. Et du coup, qui veulent contribuer à ce que utopie continue à être synonyme d'irréaliste. Et donc, nous, il ne faut surtout pas qu'on crée des récits qui leur donnent du moulin, enfin, qui nourrissent, qui donnent du grain à moudre. Je suis trompé. Mais, et donc, du coup, c'est, voilà, c'est pour moi, les métiers de demain, c'est les personnes qui vont réussir à faire en sorte que ces nouveaux récits contribuent réellement à changer le statu quo et soient capables de changer réellement les représentations sociales, les imaginaires. Les désirs sont socialement construits, donc voilà. Moi, c'est ce que je dis, l'objectif, c'est pas d'avoir moins de désirs, c'est de réencastrer nos désirs dans les limites planétaires. Je crois que c'est Timothée Parik qui le dit souvent dans ses confs. Ben voilà, et donc c'est pour moi, c'est le métier de demain, c'est les personnes qui arriveront à faire ça. Et donc ça demande à la fois des qualités, savoir-être, savoir-faire, savoir tout court. Et donc ça demande notamment des qualités humaines assez importantes pour être capable psychologiquement d'être assez fin pour accompagner les personnes là où elles se trouvent, les aider à lever leurs freins. Centré sur la question des nouveaux récits purs, Mathieu Baudin, par exemple, de l'Institut des Futurs Souhaitables, il dirait ministre du temps long. Ou historien du futur, par exemple. Tu vois. On a des gens comme Sandrine Roudot qui, elle, te dirait, éditrice d'utopic fiction, comme elle est en train de faire avec la maison d'édition de la Salée. Et on peut aussi penser à tout l'écosystème de ce soft power qu'est l'audiovisuel, avec le travail de Magali Payen, le travail qui font chez Sequoia pour faire de l'écotournage, mais aussi en fait le travail d'écriture comme est en train de faire Alain Damasio avec l'école des vivants pour travailler sur d'autres récits. Et ça, en plus, je pense que c'est tellement un travail perpétuel que même si là on arrivait à nous encastrer dans les limites planétaires, ensuite on aurait besoin d'autres récits pour continuer à éclairer d'autres angles morts et continuer aussi à affiner certaines pratiques qui mériteront, quoi qu'il arrive, d'être affinées. Et après, je pense qu'en plus, le métier de futurologue ou cette boussole des nouveaux récits, c'est un peu souvent, même d'ailleurs, ce que répondent pas mal de gens dès qu'on parle d'écologie, c'est en fait, il faudrait que ça infuse dans toutes nos thématiques et dans tous nos métiers. Et donc, les métiers d'ingénieur, j'en parlais avec Tariq Chekcha, qui est biomiméticien, et lui, il disait, mais en fait, le biomimétisme, il devrait être partout. Il devrait être dans la comptabilité, et forcément dans le métier d'ingénieur, mais aussi dans le métier de professeur. Et je pense qu'on peut faire un peu la même réponse avec la question des nouveaux récits. Et le nouveau récit, moi, de temps en temps, quand j'ai envie de le dire vite, je dis que c'est de refaire de la politique dans le bon sens du terme, parce que plutôt que de faire de la politique comme on le fait désormais au Café du Commerce devant BFM TV, où on se limite à critiquer les gens, critiquer le temps ultra court et critiquer les imperfections de nos dirigeants, en réalité, là, on se repose la question de pourquoi on est ensemble. Et je pense que travailler à ces nouveaux récits, c'est créer les conditions pour qu'on discute, pour qu'on on ose rêver et pour qu'on noircisse, épaississe, texture, c'est justement quoi faire ensemble demain. Et ça, c'est le métier d'un professeur, c'est le métier d'un animateur social, c'est le métier d'une documentaliste, c'est le métier d'une cuisinière, c'est le métier en fait qu'on peut avoir tous et toutes dans notre pratique du quotidien, j'aurais tendance à dire. Oui, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des exemples d'entreprises qui basculent sur les nouveaux récits, non pas par conscience, par conviction, mais plutôt par une espèce de cynisme qui serait celui de reconquérir un marché qui s'est tourné vers la concurrence, faute de nouveaux récits. Donc, si je reformule, Nicolas, c'est est-ce que j'ai des exemples d'entreprises qui se tournent par cynisme vers les nouveaux récits ? Oui. Parce que la clientèle a soif de ça, ce qui traduirait une appétence en fait de la clientèle pour des nouveaux récits qui n'est pas répondu par l'offre de l'entreprise en question. Moi j'ai un exemple en tête. On avait fait pour un gazi un séminaire, et d'ailleurs quand ils nous avaient demandé, on avait fait pour 120 personnes. C'était un peu au début. Donc, en plus de ça, on n'avait pas encore bien formé nos animes, etc. Et moi, j'étais un peu sceptique parce que je m'étais dit, notre cible, c'était les pionniers, là, ils travaillent dans le gaz, etc. Et alors, je ne sais pas si c'était ce que tu présentes là, mais en tout cas, il y avait l'idée de se dire, en fait, on a des gens qui sont en énorme dissonance cognitive. C'est-à-dire que non seulement ils travaillent pour une énergie qui contribue au dérèglement climatique, en plus de ça, maintenant, on se rend compte que cette énergie, finalement, elle enrichit des dictatures. en tout cas des régimes politiques voilà, qui sont clairement pas souhaitables, en tout cas je pense qu'ils sont pas souhaitables. Et donc eux, voilà, ils avaient dit en fait c'est hyper compliqué quoi. Et là l'idée c'était un peu cette idée de réouvrir les futurs. Donc est-ce que en fait c'est compliqué de savoir la sincérité de se diriger, enfin de se, c'est-à-dire que la personne qui m'avait fait appel à moi, qui m'avait permis de rentrer là-dedans, c'était une fresqueuse et elle enfin elle transforme de l'intérieur, elle se fait recadrer régulièrement, enfin moi c'est un des critères pour savoir si on transforme vraiment de l'intérieur, c'est est-ce qu'on se fait recadrer, parce que si on ne se fait pas recadrer en fait on perpétue le statu quo. C'est quand on essaie vraiment de changer, le système ne voulant pas changer, il veut son homéostasie, ben en fait, il se traduit par des réactions. Et donc, si en fait, on est un peu confort dans son changement de l'intérieur, c'est qu'en fait, on n'est pas tellement en train de changer. Et donc, elle, j'avais aucun doute. Par contre, lui, tu vois, j'étais aussi sceptique parce que personne n'avait fait, enfin, ils n'avaient pas tous fait la fraise du climat. Donc, pour moi, il y en avait plein qui n'avaient même pas conscience à quel point, finalement, le statu quo devait être changé. Et donc voilà, lui, j'avoue, je me suis posé la question. Est-ce que finalement, parce qu'en fait, il m'a parlé de ça à la fin. On avait fini tout. Il a dit, c'était trop bien. Merci beaucoup. C'est l'expérience qu'ils ont préférée sur toutes les expériences du séminaire. Et il m'a dit, voilà, on avait cet enjeu-là. Donc il m'a parlé de ça à la fin. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mince, est-ce qu'on n'a pas été instrumentalisé? C'est-à-dire, est-ce que c'était pas une manière, de faire sortir des gens de la dissonance cognitive en artificiellement, surtout qu'on n'avait pas des animes hyper expérimentés à l'époque? Donc, il n'y avait pas cette idée de crédibilité des récits, etc., de pas valoriser le solutionnisme technologique, etc. Du coup, je n'ai pas la réponse, mais je me dis qu'il y a effectivement un peu ce risque, si on n'a pas les bons animes, etc. Un peu plus à titre personnel, je crois qu'on arrive tous à un moment à bifurquer, ou en tout cas rentrer dans ce monde de l'impact par réaction personnelle, je sais pas, quelque chose qui s'est passé, un déclencheur. Est-ce que tu veux bien nous partager quel était le tien? Ouais, j'ai essayé de faire très court et si ça t'intéresse, maintenant, moi j'ai fait deux podcasts pour partager ma bifurcation, parce que l'idée c'était aussi de rendre plus accessible ces bifurcations et notamment de partager un peu tous ces doutes, ces questionnements, parce que parfois à posteriori on a l'impression que c'était hyper linéaire, etc. Mais en quelques mots, moi je pense qu'il y a j'ai discerné deux trois moments clés. Il y a un premier moment clé, c'est en 2012. Je regarde un documentaire parce qu'un ami me le recommande, qui me fait prendre conscience qu'en fait, une croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible. Et là, j'ai une espèce de sentiment de vertige énorme, mais j'ai pas la possibilité de le digérer. C'est-à-dire que je vois pas comment je l'intègre dans ma vie. Je le dénie. Et après, ça revient fort quand je me fracture la clavicule en jouant au foot, alors que je travaille 10 heures par jour dans un cabinet d'avocat d'affaires parisien. Et je me posais la question de où était ma place à ce moment-là. Enfin, j'étais dans cette année. En fait, moi, jusqu'à mes 16 ans, je jouais de footballeur pro. Et quand j'ai fait le deuil, je suis rentré dans une quête de trouver ma place. Et du coup, j'ai expérimenté une dizaine de métiers, etc., journaliste, etc., etc. Et du coup, j'arrivais au bout de cette quête et je commençais à me fatiguer. Tout le monde m'avait tout le temps dit dans cette quête, non, mais tu sais, c'est pas possible. Cherche juste un métier prestigieux avec qui va te donner du confort matériel, etc. Et ce sera déjà super. Tu pourras te sentir privilégié. Ce sera déjà très bien. Et je commençais un peu à me dire, finalement, et là j'ai la chance de me fracturer la clavicule. C'est paradoxal, mais et du coup j'ai 2-3 déclics. Je regarde un documentaire qui s'appelle Enquête de sens. C'est aussi pour ça que moi mon organisation s'appelle ProSense, c'est l'action du sens. Et donc ça, plus je lis un livre qui s'appelle Réinventer sa vie professionnelle, 3 petits points quand on vient de la commencer. Ce livre me parle tellement que je vais voir l'auteur du livre pour 2 séances de coaching. Et à partir de ce moment-là, j'étais capable de formuler non plus seulement négativement ce que je ne voulais pas, en mode ne pas vivre pour les jours fériés, les vacances, les week-ends, se mettre en congé de moi-même, etc. Mais parce que ce que j'avais vu un peu de partout, et après j'ai vu que c'était 7 salariés sur 10 désengagés quand même, donc c'était massif. Et le deuxième, mais positivement, et à l'époque, c'était quoi? C'était aider un maximum de personnes à être à leur vraie place professionnelle dans le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure. À savoir, si on arrive à faire en sorte qu'il y ait plus en plus de personnes qui contribuent quotidiennement à façonner un monde dans lequel ils ont envie de vivre, on aura pas mal avancé sur la question. Et puis après ça, j'ai fait la rencontre de la fraise du climat, etc., etc. Et donc, à une époque, j'étais capable de formuler en 5 piliers ce à quoi je voulais que ma vie professionnelle ressemble. Puis après, ça s'est transformé en 3 piliers. C'est les 3 que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Redonne-nous tu ne nous les as pas donnés, pardon, Benoît, les 2 podcasts dans lesquels tu as été interviewé. Alors, il y a un premier, donc c'était à l'époque où moi je venais des avocats, donc j'ai du monde des avocats, donc j'ai été interviewé dans un podcast qui s'appelle Fleur d'avocat de Lila Louise. Et un deuxième qui s'appelle dans Oser Jean-Philippe Descas. Et donc, dans les deux, je reviens un peu longuement sur mon parcours. Et donc ça, vous pouvez les retrouver soit en tapant sur Internet, soit en fait sur ma page LinkedIn. Je les ai mis à un endroit pour qu'ils soient retrouvables plus facilement. Super. Jean-Philippe Descas qui a écrit Le courage de renoncer il n'y a pas longtemps et qui lui travaille justement beaucoup ces questions de bifurcation. Merci. Du coup, et ma question, c'était si cette prise de conscience du besoin de nouveaux récits est largement diffusée, s'il passe vraiment à échelle et que cette culture de l'optimisme responsable est largement représentée, qu'il y a eu cette bascule, qu'est-ce qui, selon toi, changerait particulièrement en 2030 ou en 2040 quel impact ça pourrait avoir ce signal faible passé à échelle? En fait, pour moi, les effets seraient massifs. Parce qu'en fait, on aurait pris conscience que ce qui rend véritablement heureux les gens, c'est pas la quantité de biens matériels accumulés, mais c'est la qualité des relations sociales. Et ça, pour le coup, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a répondu à nos besoins fondamentaux, développer la qualité de nos relations sociales, ça n'exerce pas de pression importante sur les limites planétaires. Et donc finalement, une fois qu'on aurait pris conscience de ça, en fait, on n'aurait plus besoin de cette course aux excédents, qui est un peu aussi l'une des raisons de ces guerres. C'est-à-dire que globalement, c'est Julien Marcinkowski qui a développé une phrase qui s'appelle la fraise de la civilisation et qui dit globalement, les grosses guerres ont commencé à émerger quand on est passé du nomadisme à la sédentarité. Parce que quand on était nomade, on pouvait pas accumuler des biens. Parce que quand je me déplace tout le temps, si je me déplace avec un lit sur le dos, etc., on voit que c'est très vite compliqué. Et donc, c'est avec la sédentarisation qu'on a commencé à avoir des excédents. Et c'est quand on a eu des excédents qu'on a commencé finalement à avoir de la convoitise, etc., etc., etc., et donc des conflits. Donc déjà, pour moi, en fait, on neutralise une part fondamentale de la cause des conflits dans le monde. Le deuxième, c'est que du coup, c'est pareil, en psychologie, on montre que plus quelqu'un est heureux, moins il a de comportements antisociaux. Donc finalement, on aurait un niveau d'incivilité qui serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. On aurait par exemple les entreprises qui seraient dans le paradigme de l'entreprise contributive. Donc, il n'y aurait aucune entreprise qui, ne passerait pas le test de est-ce que ma raison d'être, c'est-à-dire ce qui fait que tous les matins mes salariés se lèvent, c'est de contribuer à la résolution des enjeux écologiques et ou sociaux. Donc, résolution des enjeux écologiques, c'est nous faire revenir dans les frontières planétaires. Et puis, sociaux, c'est contribuer à la réponse aux besoins fondamentaux des êtres humains. Donc, c'est pas la création de désirs artificiels, superflus, etc., mais c'est vraiment les besoins fondamentaux. Et donc, je dirais qu'en fait, si on a réussi à faire ça, pour le coup, on a quand même, on a aussi, du coup, changé de regard sur notre pouvoir d'agir. C'est-à-dire que c'est ce que disait Julien Vidal. La politique, c'est la gestion de la cité. Et donc, finalement, tout le monde contribue à la gestion de la cité. Et donc, là où on passe un temps monstrueux sur des écrans, etc., comme les gens contribuent à façonner un monde dans lequel ils ont envie de vivre plutôt que de l'imaginer, enfin, c'est pas l'imaginer pour le coup, mais c'est de le subir à travers pensées par d'autres, on va dire, j'ai répondu à chaud un peu comme ça, mais j'ai essayé de chercher les trucs les plus gros, et je pense que là, comme ça, les trucs les plus gros qui me viennent. Et du coup, je pense aussi qu'on a plein de psychopathologies en moins. Je donne un exemple, c'est Irving Yalom, un tenant de l'approche existentielle en psychologie, qui dit: plus votre vie a été pleinement vécue, moins vos angoisses de mort sont importantes. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui disent que notre délire pour une croissance infinie, c'est une manière finalement de se distraire du fait qu'on va mourir un jour. En fait, c'est pour ne pas se confronter à notre finitude. Et donc, le fait d'avoir une vie pleine de sens, finalement, on a les gens qui, du coup, ont moins de psychopathologie, qui sont en meilleure santé psychologique, en meilleure santé physique aussi, puisque forcément, si on est heureux, on a des relations sociales de qualité. C'est le TEDx de Waldinger, qui est chercheur à Harvard, qui montre que ça a tous ses effets bénéfiques sur notre santé, le fait d'avoir des qualités relationnelles de qualité et des qualités sociales de qualité. Pardon, des relations sociales de qualité. Et donc d'être plus heureux. Voilà, en quelques à chaud, un peu comme ça. Ce sont toujours des échanges passionnants. Moi, je passe une heure et demie à chaque fois à me dire que j'ai envie de creuser de nouveaux points. Ça vient confirmer aussi des intuitions, des expériences qu'on accumule. Donc, Benoît, je te remercie mille fois pour ta disponibilité.